sera la jalousie des gens. On attire les envieux lorsque l'on s'aime. Ils osent se faire passer pour des êtres qu'un pensant. Croient pouvoir juger les bons des mauvais. Et ne vois pas les différences. Ensemble, toi et moi, nous avançons dans le même sens. Personne ne pourra contrôler nos sentiments. Qu'importe la religion, qu'on soit noir ou blanc. Auprès de toi sans maintenant, gravé dans ma mémoire et dans celle de l'échelle du temps. Ceux qui n'ont pas marqué notre histoire ne comptent plus vraiment. Vivons notre passion seule à l'abri des vents. C'est le cas, bah moi tout en vie. En savait l'homme toujours plus fort. Serrez-moi avec toi. Et pas pour mieux, et pas bien me renier. Je donnerai tout pour être avec toi.